is there? What can I find? Never find, never find you. On va faire un truc. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tes synthés sont prêts? Attention. Encore un petit réglage. Over say people can't go. Over say people can't say people are. Sélectionner les sons. Attends, j'ai trop de compression là. When I say, l'autotune, c'est pas top l'autotune. We'll be right back. Well, not till I can say. Well, now I can still. Well, ça va. Ah, il est bizarre, c'est tout. Welcome to life's day. Well, someone I can sell my car. Ah, y a trop de watts là. Well, I'm not set to fight. Well, young Adam, I just say I will not fight till I am dead. Alors. Alors on va refaire. Are you ready? à toi Mister MRZ, à toi le solo de synthé. Cool.